voilà, il est 20h et une minute, c'est déjà une minute de passé, une minute de perdu avec un générique à la con, qu'un jour peut-être on changera ou pas, j'en sais rien. Et par contre c'est Pyongyang City Rockers numéro 335. Je crois, ouais. Et avec ce soir une équipe réduite, quasiment sa plus simple expression, il y a Célia. Salut. Et Mézig. Et normalement il y a peut-être Thibaut qui va nous rejoindre, mais bon, c'est un homme très pris, franchement, il a des tas de choses à faire, donc se pencher sur le pauvre destin d'une petite émission de Radio Lambda, c'est plus vraiment son truc. Hein. On va l'engueuler après quand il arrivera. Pour l'instant des Belges, les premiers Belges de la soirée. Bront. Est-ce que j'avais noté quelque chose là-dessus? Oui, parce que pour une fois j'ai préparé. Voilà, ils viennent d'Anvers. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, BRONT. Je sais pas, c'est peut-être une insulte ou un truc. Bon, bah voilà. Et c'est produit par Belly Button Records, le spécialiste du punk, pop, des glingos dans tous les sens. Bah justement. Les voici avec Your Life. Je raconte mes malheurs en antenne et puis voilà. Ça va? C'est ça de se casser le genou. Non, j'ai pas le genou de casser. Enfin, pas encore. Ben ouais, ça va. Du coup, moi, je voulais passer un morceau de Lego qu'on a passé très vite fait à la fin de l'émission la semaine dernière. Vraiment vite fait. Hein. Du coup, je le passe en entier. C'est un groupe de 5 punks français qui habite à Berlin. Les textes sont en français, en allemand, en anglais. Ça part d'histoire personnelle et de féminisme. Le groupe a existé de 2018 à 2019 et ils ont sorti une démo qui s'appelle Démo d'amour. Et j'ai choisi le morceau Avortement. Et ces gens, ils font quoi maintenant? Je crois qu'ils ont un autre groupe, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ah bon, bah allez-y alors. Thank you. Stallone. Et ce qu'on disait, c'est que, à ce qui paraît, les groupes anti-avortement américains, qui sont des ultra-religieux, là, des machins, enfin, je sais plus, enfin, des protestants à la con, quoi, avec des prédicateurs fous, enfin, comme un peu les gens qui sont au pouvoir à chaque fois que t'as les républicains qui sont là, mais il y en a aussi parmi les démocrates, il paraît que ces groupes anti-avortement prennent pied en Grande-Bretagne et commencent à faire beaucoup de publicité et à rameuter des gens autour d'eux. Et en fait, il y a déjà du monde en Grande-Bretagne qui commence à avoir un petit peu peur que l'avortement redevienne un sujet discuté, puis que ça soit mis en danger. Voilà. Bon, par contre, en France, ça n'arrivera pas, vu qu'on n'a pas du tout, on a un président qui n'est pas du tout perméable aux trucs religieux ou extrême droite. Non, mais pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, on est des démocrates, nous. Hein, voilà. Aussi d'autres qui sont démocrates et qui se produisent demain à Courtrai, c'est Conflict, les bons vieux anarcho-punk londoniens. Ça joue au DVG, je vais pas vous le dire en néerlandais, surtout que Val est pas là pour, pour se moquer. voilà. Donc ouais, c'est la salle près de la gare, là, le nouveau truc là. Avant ils étaient à Roulax, le DVG de Verlichterest. Bref. Moi, l'esprit éclairé. Moi, Courtrai, j'avoue, je connais que le pizza. Ouais. demain il y a Conflict qui joue avec un autre vieux groupe anglais, Mau Maus, et les Belges de la soirée, c'est Detax, des véritables punks. Ça a coûté que 15€. On a ce concert grâce à Doom de Punks Bookings. Coucou Jordi. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure j'avais des messages de gens qui recherchaient de la place. Des places, parce qu'il y en a qui sont à Lille, qui aimeraient bien aller à Courtrai, mais qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et donc, s'il y a des gens parmi nos auditrices éteurs qui vont à ce concert demain soir à Courtrai de Conflict, bah, ils peuvent nous téléphoner pendant les pages musicales au 03 62 26 89 18. Et puis, on se démerdera pour vous mettre en relation entre ceux qui ont des voitures et ceux qui n'en ont point. Pour l'instant, voici un tube de Conflict, How Many More Lies. Elle parle à la dame, elle parle beaucoup, hein. Thousands of strokes and injuries that will never heal. Innocent people who have done nothing, business is based on exploitation of the worst kinds. Cosmetic companies use dead animals to make their products, then poison many more by feeding it to them, with the end result of encouraging sexism by convincing men and women to look the same as each other. Advertising promotes this, and advertising of any kind usually portrays women as a sex object only, there to be raped. Drug companies like Roche and ICI claim to invent new drugs to cure imagined diseases. Thousands die at the hands of their useless research. They tried to make drugs to cure heart disease, which was originally caused by the sufferer eating meat and dairy products to excess. Booker McConnell own everything from butchers to health shops. As long as the cash rolls in, who cares? Other companies who make machinery and domestic appliances, like Thorny and Lye, also make defence gadgetry. British Aerospace specialise in fighters in favour of passenger jets. Governments pay more for weaponry than domestic consumers pay for domestic items. That's why many, many companies worldwide clamour for defence orders. Some would go bankrupt without them. The final industry, uranium mining, sponsored in Britain by Oxygen, plunders the landscape, kills the wildlife, exploits the natives and gives them cancer. The product makes bombs to kill all and is used for nuclear fuel. The kind of power that reduces waste which can be pumped into the sea in Cumbria. Deformed babies and children dying of leukemia are coincidences, we are told. How many more lies must we listen to? Ouais, combien encore de mensonges. Plein de choses à dire. Ouais, oui. C'est, ça décrit le monde sous le joug économique du capitalisme. Ouais. Effectivement, voilà. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Vous écoutez Radio Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers numéro 335. Et on vous répète, hein, s'il y a des gens qui vont en voiture au DVG demain soir voir Conflict, ils peuvent téléphoner au 03 62 26 89 18 pour partager les places qui leur restent dans leur voiture avec les pauvres qui n'ont pas de voiture et qui veulent y aller. Voilà. Bonjour. Moi, je vais rester dans les Français qui font des groupes à Berlin. Ça s'appelle Laxisme. C'est un groupe de punk. Ils ont sorti une cassette avec 5 morceaux dessus. C'est un peu pop et un peu garage. Sur le label Phantom Record. Label qui sort notamment Pisseux. Ça parle tout de suite beaucoup plus. Donc c'est La Fugue de Laxisme. We'll be right back. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est épiceux, hein. J'en ai parlé, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mis, donc c'était le morceau Cocktail, et serait du LP Lambada qui est sorti en 2022. Bon. Un jour, ils vont jouer dans le coin? Ça serait cool. Ouais. Ah oui, alors, encore un groupe qui va jouer dans point longtemps. C'est samedi que ça va jouer à Kurn, au nord de Courtrai. Il y a le Wham Jam numéro 8. Là, ça sera en l'honneur de Olaf, décédé il y a. Putain, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Ou un an, merde, c'est un an ou 2 ans? Ouais, je dirais 2 ans. Ouais, 2 ans. Bref, et puis avec des groupes punk qui vont bien comme d'habitude, il y aura les excellents Inmates, les excellents VAR, il faut dire VAR, pas VAG, attention, hein, VAR. Il y aura Terre-Neuve, Psycho, Crucified, donc vu que hein, Olaf, Dogmen, Burning Cross, Chief Chaffs. Ouais, et qu'il teste. Et puis après, il y aura aussi des DJ hein, avec un certain Cricket que je ne connais point, mais par contre, il y aura Juju du Pit qui va pousser des disques. Ça va être au skatepark Jansan, J-A-N-S-A-N, qui se trouve rue d'Arelbeck, Arelbeck-Sestrat numéro 36, à Kurn avec 2 U, hein, K-U-U-R-N-E. Et puis, bah voilà, et pour illustrer cette annonce de concert, je vais tout de suite vous passer les Bruxellois de Terre-Neuve. Ça sera la Oi Hardcore de la soirée. Leur titre c'est Les Descendre, et bien sûr ils parlent des bouteilles de bière qui sont en train de rafraîchir dans le l'évier. voici Terre-Neuve avec Les Descendre. Terre-Neuve. Gros son. Hein. Voilà, c'est carrément. Samedi au Kurn. Eh bien, samedi à Lille, il y a un concert aussi organisé au CCL. Ah ouais, j'ai pas dit, ouais, le truc, le Wham Jam, là, ça commence en début d'après-midi, hein, vers 14h, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Donc ça, bon, ça va aller juste comme il y a 8 ou 9 groupes, ça va quand même s'étaler sur un bon bout de l'après-midi et de la soirée, mais il y aura peut-être moyen de revenir à Lille. Oui, parce qu'à Lille, au CCL, il y a un concert ce week-end organisé par Mika. Ah ouais, bonjour Mika. Il n'est pas là. Quel feignant, il avait dit qu'il viendrait. C'est clair. du coup, il y aura Et on tuera tous les affreux, Vision 3D, Chess Week et un DJ set de Hazard. Hazard. C'est ça, donc je vais passer un petit morceau de Et on tuera tous les affreux. C'est un groupe de 10 bits hardcore de Caen, avec des membres de Mercury Tales et de Guimauve. Ils ont sorti un LP Mange tes morts en coprod sur 9 labels, dont Mass Prod. et ouais, ils ont toujours des noms comme ça. Et leur dernier EP, c'est Tu veux du sale? Tiens voilà, qui est sorti en cassette. Et j'ai choisi le morceau Tu veux du sale, tiens, voilà. Éponyme. c'est quand même délirant. Et alors eux, ouais, mais c'est des fous furieux, là, les on tuera tous les affreux. Donc ça commence par la fin du Larsen du titre d'avant, et puis ça finit. On sent que si on coupe pas tout de suite, on va avoir. Il y a le morceau d'après, c'est ça. Ils se pressent. Hein. Ils font leur concert comme ça aussi. Et ben pour le savoir, vous venez samedi au CCL à 20h30. Genre 20h. 20h. OK. Bon, ça s'énerve bien depuis tout à l'heure, donc je vais calmer les choses avec une histoire bien crade, bien noire et bien américaine, racontée par les zozos de Alice Donut. Donc je le passe en audio tout seul vu qu'on a la radio, mais je vous recommande la vidéo qui est disponible sur YouTube, qui illustre assez bien l'affaire dont il est question. J'en dis pas plus. Ah ouais, faut un peu fouiller parce qu'il y a d'autres trucs sur YouTube qui sont plus faciles à trouver sur ce titre. Lisa Sfava, le père de Lisa. Voilà, mais il y en a une dans un coin là qui est pas, apparemment qui a pas été vue beaucoup de fois, et okay. Par contre qui est un véritable petit film, enfin un vrai clip quoi, et bien lourd, bien crade, bien ouais voilà quoi. Donc bon, pour l'instant dressez l'oreille car je vous balance cette ambiance lourde et pleine d'imprécations de Alice Donut avec Lisa's Father. Rendez-vous dans 5 minutes et 30 secondes. Hi, I'd like to tell a story about something that happened to me. I was sitting home just the other day watching some TV when there was a knock on my door, and I went to the door to see who it was, and it was a woman with no eyes, and she had a stack full of comic books, and she gave me one of them, and she said, "Take it and read." And I took it, and I did read, and the story was so moving and compelling that I had to write a song about it. It wasn't one of your regular comic books. Rather, it was one of those comic books by Chick Publications out in California, one of those comic books that's meant to convert you to fundamental Christianity. And it was a story about a family, and a father's name, his name was Lisa's father. And the mother's name, her name was Lisa's mother. And then there was a child, a five-year-old child named Lisa. Lisa, pure as the driven snow, but she was driven in other ways as well. I'll tell you about that later. Lisa's mother was an alcoholic. She used to sit and knock back JD from 8 o'clock in the morning until she passed out at midnight. Lisa's father, however, he was a sinner of another sort. He was a sinner of a different color, if you know what I'm talking about. He was the kind of man who didn't keep his sinning to himself. Because he was a child molester. This was a man who abused his little daughter, Lisa, every night, every afternoon, every morning. As soon as Lisa's mother was whacked out on JD, he'd go up into Lisa's bedroom and he'd start wailing away on this poor little kid. Making that sound going, oh, one day he was up there doing what it was he did to that poor little girl. When there was a knock on his front door, he tucked in his shirt and he ran down, pulled up his pants and answered the door quick as he could. And he said, "Oh, who's there? Hi, this is Bill, your neighbor. Oh, hi. Hi. How you doing? How's the weather? The weather's fine. Hey, how about what you've been doing with Lisa? But you gotta let me do it too. And she said, "You repulsive little shit, I hate you, I hate you." And Lisa's father said, whoa, I'm in the soup now, she knows what I'm in the middle of. Lisa. He ran out that door as fast as he could. He started making his way down to the bridge, just like James Stewart in It's a Wonderful Life. He was going to throw off that bridge. And just then, a woman with no eyes and a handful of comic books walked up to him in the comic book. Just like the woman in my... And she gave him a comic book and she said, Just pray is what she said. And the next panel said, 15 minutes later, he said, whoa, I'm Oh, really? This is not a way to give any sins. Is he ready to save you? This is not a way to give any sins. Is he ready to save you? Vous écoutez Radio Campus, c'est Pyongyang City Rockers numéro 335 pour encore une demi-heure. Bonjour. Attends, je vais monter un coup. Voilà. C'est la bière, le ravitaillement est arrivé grâce à Thibaut. Qui va pas tarder à arriver dans le studio. Oui, il va faire du bruit. Vous entendrez du bruit et ce sera lui. Bah, en attendant, je vais passer un morceau de Ayukaba. C'est un groupe de metal punk de Barcelone. Avec des membres qui viennent d'Amérique latine. Ils sont influencés par le heavy metal et le hardcore japonais. C'est bien. Ayukaba, c'est le nom donné à San La Muerte. C'est une figure religieuse un peu dans les pays d'Amérique latine. Dans la langue guarani, c'est une langue indigène de l'Argentine, du Paraguay. Et ça veut dire « celui qui te tue ». Ok. Merci. Ils ont fait une tournée européenne récemment avec une date à Lille qui était le 1er avril, mais c'était un lundi. Tu sais, la série des concerts des lundis. Ouais, bah ouais, moi, le lundi, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Du coup, je voulais passer un de leurs morceaux déjà la dernière fois, mais en fait, quand tu vas sur leur Bandcamp, tu vois leur cassette, mais il y a écrit qu'il n'y a pas de morceaux que tu peux écouter. Tu peux les écouter que en physique. Ils protègent leurs droits. Bah, je sais pas trop. mais du coup, cette semaine, j'ai fouillé un peu et je suis tombée sur un live qui a été enregistré dans une maison de jeunesse à Zarautz. Alors, ça se dit sûrement pas comme ça, mais c'est dans le Pays Basque. Pays Basque. En plus, ça a un autre nom en espagnol. Je sais plus. Sûrement. donc, c'est le sixième morceau du live, mais il n'y a pas le titre, donc je pourrais pas dire c'est quoi, mais c'est Ayukaba. Quel boulot, hein. C'est quand même incroyable. Hein. Tout ce qu'on fait pas pour préparer les émissions. C'est clair. Ah Thibaut, toi t'as super préparé. Grave de ouf. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la bière et les cacahuètes. Mais de rien. Ayukaba. Yeah. Ouais, tu me l'aurais demandé avant. Hein. Et bah voilà. Oui. Bah ouais, ouais. Mais oui, en effet, il y avait un petit côté japonais. Hein. Ça a un peu balancé là, comme des salopères. Voilà. Ah donc. Je rappelle, qu'ils ont des tatouages. Ces ouais. Gens. Et ouais. Bah sûr. Oui. Bah tu sais. C'est sûr. S'il y a des gens avec ou sans tatouage, mais avec voiture, qui vont depuis Lille jusqu'à Courtrai demain pour voir Conflit Mao Mao, c'est des taxes. Qu'il ou elle se signale et qui ont de la place dans leur voiture, pardon. Qu'il ou elle se signale au 03 62 26. 89-18, j'en bafouille pour le dire, et puis parce que nous on connaît des gens qui veulent y aller mais qui n'ont pas de voiture. Et Courtrai, mais la prise de drogue est dangereuse pour la santé, on le rappelle. Ok. Bon. Bon, en parlant de choses, je ne sais pas si c'est dangereux, j'en sais rien. Voilà. Vous avez des tatouages, mes gens? Ça fait mal? Vaguement, ouais. Vaguement? Ouais. Vaguement mal? Non, j'en ai vaguement. T'en as vaguement? Tu les exposes pas? Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Bah parce que c'est de plus en plus rare les gens sous tatouage, et moi j'ai pas de tatouage et tu vois, je me sens voilà, des fois un petit peu exclu voilà, socialement. Tu peux pas aller aux conventions de tatouage par exemple, sinon on me prend pour une page blanche et on court après. Je suis obligé de voilà. C'est pour ça que tu cours vite maintenant. C'est pour ça que je cours vite maintenant, j'ai appris à courir exprès. Ça a été long. Ah, ce groupe croate qui est venu jouer un lundi au bout de nos rêves, il y avait Short Days en première partie, c'était bien sympa. C'était bien. Oh yes no. Oui. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs en parlant de art punk. C'est ça. Parce que maintenant toutes les semaines il faut prononcer le mot art punk après un City Rockers. Voilà, ouais, c'est important. C'est compliqué. Ouais, alors allez vous renseigner ce que c'est le art punk en écoutant l'émission. C'est des artistes quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du punk alors. Bon, très bien. Et c'était bien sympa ce concert et ce titre Attends, voilà. Tu veux dire que ce titre là tu l'as en réserve depuis le moment où Ah ouais ouais, depuis je me rappelle, c'était le mois de mai 2013. Il faisait vachement bon. Ok. Et non, j'avais envie de partager ce titre parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très drôle. Voilà, c'est l'histoire de gens qui suivent quelqu'un qui a pas de tatouage et qui se posent la question, est-ce qu'il a vraiment pas de tatouage? Voilà. Men without tattoo. Oh yes, no. Mais Mais non. Bah, arrêtez le piano. Non, pas du tout. Pour l'instant, quoi pour l'instant, il faut dire, encore une fois, êtes sur Campus en 16,6. C'est Pyongyang City Rockers, un numéro 335 avec Thibaut. Avec Célia. Il est arrivé. Et avec Stéphane. Wow. Ouais. Eh bien, ce ne sera pas encore le moment d'aller boire une bière, vu que ce titre que je vais vous passer ne fait que 1,56. Ça vient de la grande époque du hardcore punk italien, un peu foufou. N'est-ce pas? Bon, il y en a encore un des foufous. C'est Bellico aussi, ça date de 96. La première époque du groupe, quand ils étaient munis d'un clavier, dont ils usaient à leur manière. Quand vous allez entendre, ça fait poète. C'est bon comme ça. Ouais, voilà. Et puis alors, de quoi ça cause de garder ses rêves et ses souvenirs, même s'il faut se réveiller un peu plus durement chaque matin. Et un jour, on ne savait plus. Et voilà. Bellico aussi avec Del Risveio. J'ai oublié de dire que en plus ce titre, je l'ai retrouvé sur un excellent album, premier album, je crois, qui est sorti en 2001. Entre autres, il y avait 9 labels, 10 labels, dont un label français, Rural Music, excellent. Vous connaissez Rural Music? Bien sûr, Rural Music. Le label des campagnes. Ouais, excellent label breton, mais qui n'existe plus trop maintenant. Ils avaient eu la excellente idée de mettre non seulement les 10 titres, 11 titres de leur album dessus, mais en plus de ça, il y avait une partie réservée à toute une série d'archives. Il y a une copie de leur site web de l'époque, 2001 quand même, hein. Bonjour. Et puis, tous les titres qu'ils avaient sortis avant, démos, 45 tours et tout ça, et puis du live qui était rajouté en MP3 sur ce Scud. Et moi, je dis... Franchement, c'est beau. C'est ça que les joueurs devraient faire un peu plus. Ouais, et les morceaux de la face B sont bien. Ah bon, si, ouais, regarde, attends, vas-y, avec des trucs écrits. Mon Dieu. Alors quand tu le mets, voilà. Bellico aussi, Belli, plus loin qu'aussi. Voilà. Beau comme ça. Ouais, comme chaud. Ça va? Moi, ouais. C'est moi, toi, nous. Je sais pas. Oui. Moi, il me reste plus qu'un morceau. Tu voulais passer Animal Noir, peut-être. Allez, carrément. Animal Noir. Allez. Nouveau groupe, Lilo Marseillais, Animal Mort, ça est sorti y a pas longtemps cette année. Ils ont une démo là sur le Bandcamp. Ils ont un clip aussi qui a été fait par les Luluz, mais c'est pas le titre que j'ai choisi qui va être clippé. Les Luluz, c'est des meufs de Lille. Les Luluz, ouais, c'est des Lulu, tu vois. Ouais, des Lulu. C'est Lulu, ouais. Lulu. Et Lulu, à voilà. Qui on fait des gros bisous au passage, si elle nous écoute. Voilà. Et le morceau à sélectionner de Animal Mort. Il dure encore vachement longtemps. Ouais. Une seconde de plus que celui d'avant. Ouais, il nous parle de l'amour pour les armes qu'ont ces gens-là. Juste un flingue. Tiens. Mais c'est pas le mien, voilà, tac. Et là, 20h46 ouais. Sur les ondes de Campus, 116,6, DAB+. Oui, Campus 335. Bon. T'as vu la stéréo, t'as vu? Bien. Ça bien. Maintenant la double stéréo. C'est bio. Moi, je vais vous mettre un morceau de Vacances et Cendres. C'est un groupe d'aproxy-punks existentialo-politico-écorchés. Chahuté en français, qui vient de Belgique. C'est ce qui est écrit sur la bande quand. Alors je répète, je trouve que ça marche bien comme définition. Ouais, j'ai vu une fois, c'était au Bidule. En fait, j'avais un peu peur parce que, vu la présentation, je me disais, bon, j'avais encore être du Manon. Bidule, c'était au tout début que leur chanteuse était avec eux. Du coup, c'était cool. Le Bidule, là, c'était franchement, c'était bien, quoi. Franchement, ils ont assuré. Et en plus, j'ai enregistré. Il y avait un super concert avec Knup aussi, là. C'était C'est pas au Bidule que je les ai vus, c'était avant, c'était au Kimao, un truc comme ça. Ah ouais. Ouh là là, on a eu Gambetta. Ouais, c'est ça. Ok. Anciennement, les haricots. Ouais, les haricots. DMTC, bro. C'était bien, les haricots. Ouais, c'était rigolo. Donc je continue. C'est du punk rock un peu post avec du chant féminin, du sound 80, des guitares raturées soutenues par une rythmique qui donne une furieuse envie de balancer son corps. Donc on peut écouter leur première démo, Quelle chance, sur Bandcamp, mais c'est avec leur ancien chanteur du coup. Ah. Et ils ont un nouvel album sorti en janvier 2024, Balance ton corps, qui est sur Bandcamp aussi, et je sais pas s'il est disponible en physique. Et le morceau s'appelle Spectatrice, de Vacances c'est ça. Dans la contemplation de ce Du réel. Eh oui. Avant de passer le post-punk, moi je vais passer le pré. Quoique, le déjà, ouais, c'était pas mal. Donc vous voulez jeudi, dire, ouais. Jeudi dernier, enfin mercredi dernier, en fait, dans le 334 de cette émission, je devais passer un titre que j'ai pas pu. Donc c'est, ah ouais, qui t'a empêché de faire ça? Parce que jeudi dernier, toi. jeudi dernier, ça faisait 64 ans que Cochrane s'éclatait la gueule sur la route entre Bristol et Londres. On commémore avec un de ses titres bien punk. 1 minute 47, c'est du punk. Mmh. Hein, ouais, ouais, ouais. De pur éclat, où il raconte que sa meuf, chez qui il va faire du rock'n'roll, il va chez sa meuf faire du rock'n'roll. Wink, wink. Ouais, il va faire des chorégraphies à la Maroochy. Voilà. Elle habite au 20e étage, manque de bol, l'ascenseur est en panne. Du coup, il grimpe à pince les 20 étages. C'est ce qu'il raconte dans la chanson. Quand il arrive en haut, bah, il n'y a plus trop le jus pour faire du rock'n'roll. Wink, wink. voilà. C'est l'histoire de 20 Flight Rock, le rock des 20 étages, par Eddie Cochrane, RIP, malgré tout. Voilà. I can hold her tight, but she lives on the 20th floor uptown. The elevator's broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 15th to floor, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to run. Where's she calling me up on the telephone? She said, come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. I'm in bed with an aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th to 4, I'm ready to sing. Get to the top, I'm too tired to run. Well, they sent to Chicago for repairs, so it's a big storm of using the stairs. Hope they're ever before it's too late. I love my baby too much to wait. On this climbing is getting me down. If I'm a corpse draped over a rail, but I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15th to 4, I'm ready to sing. Get to the top, I'm too tired to run. Ouais, il désannonce et tout, t'as vu, c'est bien. Et ouais. Tu m'as plombé le moral. Parce que dans l'accident de voiture là où il est mort, enfin en fait il a été éjecté, il s'est planté la tête la première sur le sol, donc bon, il est mort le lendemain à l'hôpital, je crois. Et ouais. Et dans la voiture il y avait aussi Jane Vincent. Jeune Vincent. Ça lui a fini de niquer sa patte. Tutti frutti. Voilà, tout ça. Ah, bref. All right. Ouais. Ça c'était beau, ça c'était pour l'histoire. Ah bah ouais. On rappellera aussi, on a oublié de rappeler, oui, il faut regarder à skip shpunk .org tous les jours, parce qu'en fait il y a des rajouts, il y a des trucs qui bougent et tout ça. Donc si tu crois que ton week-end il va être naze, peut-être qu'un jour avant, shpunk.org. Ça voilà. Avec toute la concert. Alors les trucs qui bougent, ça veut pas dire qu'il y a des logos qui tournent, il y a pas de logo qui tourne. Ah. C'est garanti sans animation foireuse. Quelle heure est-ce que t'as fait avant, mais à skip, ça peut. Allez, annonce là, une voix. Bon, un groupe d'opost plutôt punk, BJ Banquette. Beige. Beige, ouais. Beige, banquette beige. pour rester dans la thématique animalière, il s'appelle Animals, sobrement, le morceau que j'ai choisi. Voilà, c'est un album qui porte le même nom, qui est sorti en octobre 2023. Et ces gens nous viennent de Londres, voilà, un petit peu envoyés. Connu hein, la basse qui fait une seule note et puis les larcènes dans tous les sens, c'est conflict. Excellent. System Maintains, nous on peut se maintenir, par contre demain ils se maintiennent au DVG à Courtrai avec Mao Mao, c'est des taxes, ça coûte 15€, c'est organisé par Doom the Punks, Dawkins. Malheureusement, il n'y a personne qui s'est manifesté pour voiturer les gens qui n'ont pas de voiture, c'est dégueulasse, vous êtes des salauds. Individualiste. Voilà. Non, on y va pour faire bouger. Bref. Bah, t'es moi, dégueulasse. Je voulais pas le dire, mais. on a fini cette émission. L'émission, n'importe quoi. Pyongyang City Rockers, numéro 335. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être le retour des Québécois, Tabarnak. Bah voilà. On a plus de 30 secondes pour dire au revoir. Donc on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Et CAB. Ouais, on n'oublie pas.